Costa, j'irai danser, la séduire, dis pas, j'irai chez mon ami de Las Postias. Oui, mais tout cela s'indique, et les vrais plaisirs sont à deux, amoureux. Mon amoureux, il est au durer, mon pauvre cœur, très consolable, mon cœur. J'ai des galants à la douzaine, mais ils ne sont pas à montrer. Et lui qui veut m'aimer, je l'en ai, elle est à prendre. Vous arrivez à entendre, car avec mon nouvel amant, près de ma part de son pire, je pense que